Yeah. Praise the Lord. Well, welcome in Jesus' name. Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Because of some few things for the past days, yesterday especially, the message that we're supposed to go into will not even go there. Amen. Amen. Le message d'aujourd'hui sera un peu, sera pas le message que j'avais prévu à cause des événements qu'il y a eu la semaine passée et hier aussi. And the Lord gave me this for us. Amen. Parce que l'Éternel m'a donné un message pour nous aujourd'hui. Praise the Lord. Alléluia. It is through the truth. So I will know all things. Durch die Wahrheit wissen wir alle Dinge. C'est à travers la vérité qu'on sait tout. Through the truth is how we know all things. Durch die Wahrheit kennen wir alle Dinge. C'est à travers la vérité qu'on sait tout. We judge by the truth. Wir richten durch die Wahrheit. Quand on juge à travers la vérité. We condemn by the truth. Wir verurteilen durch die Wahrheit. Et si on condamne à travers la vérité, à cause de la vérité. We take decision through the truth. Wir entscheiden durch die Wahrheit. Nos décisions sont basées sur la vérité. And remember who the truth is. Und erinnert euch daran, wer die Wahrheit ist. Et on doit se rappeler qui est la vérité. John 14, verse 6. Johannes 14, Vers 6. Jean 14, verset 6. He said, I am the way, the truth, and the life. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Et là, Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Knowing the truth is very important in the kingdom of heaven. Die Wahrheit zu kennen ist sehr wichtig im Königreich des Himmels. Connaître la vérité est très important au royaume des cieux. Because knowing the truth is knowing Christ. Weil die Wahrheit zu kennen bedeutet Christus zu kennen. Parce que quand tu connais la vérité, tu connais Jésus-Christ. Knowing the word is not knowing Christ. Das Wort zu kennen bedeutet nicht Christus zu kennen. Connaître la parole ne veut pas dire connaître Jésus-Christ. Amen. It is knowing the truth that is knowing Christ. Es ist die Wahrheit kennen, das bedeutet Christus kennen. Quand tu connais la vérité, c'est là que tu connais Jésus-Christ. Knowing the truth is everything. Die Wahrheit zu kennen ist alles. Donc connaître la vérité est la chose la plus importante. Everything has its own truth. Alles hat seine eigene Wahrheit. Parce que toute chose a sa propre vérité. Praise the Lord. Alleluia. On Wednesday, I thought of teaching on Revelation today. And we will not go there. Am Mittwoch habe ich über Offenbarung gesprochen, was Offenbarung ist. Mercredi. Mercredi. Mercredi, je pensais qu'on allait parler sur la révélation aujourd'hui. Amen. Amen. I wanted to go into the area that you have not even known before concerning Revelation. Ich wollte die Bereiche ansprechen, die ihr noch nicht kennt, zum Thema Offenbarung. Aber wir werden die heute nicht besprechen. Je voulais parler de certains aspects de la révélation dans lesquels on n'a pas encore parlé, mais on devra repousser ça. Because I can see that some of us we are not even matured enough. Weil ich sehe, dass einige von uns noch nicht reif genug sind. Parce que je vois que certains d'entre nous sont pas assez matures pour cela. Amen. Amen. We cannot go there today because of things that I noticed just yesterday and the day before yesterday. Amen. Wir können nicht dorthin gehen wegen den Dingen, die ich gestern erfahren habe oder gestern mitbekommen habe und auch die Dinge, die ich vorgestern mitbekommen habe. On peut pas entrer dans ce sujet parce qu'à cause des choses que j'ai vues hier et avant-hier, que j'ai appris hier et avant-hier. Praise the Lord. Alléluia. You can, you know, you cannot give position to a little boy or a little girl, a novice. You cannot. Something in primary six, I cannot be teaching it to somebody in primary one. Du kannst einem Unmündigen keine Position geben. Du kannst jemanden, der in der ersten Klasse ist, nicht Stoff von der sechsten Klasse geben und meinen, dass er das versteht. Ouais. Donc, comme tu peux pas donner une position, certaine position à une personne qui est pas capable à un apprenti à donner un poste de PDG par exemple, tu peux pas aussi donner apprendre à un enfant de maternelle des trucs de secondaire. I notice I overrate you a lot. Ich habe erkannt, dass ich euch wirklich überschätzt habe, stark überschätzt. J'ai vu que je vous ai vraiment surestimé. The way Jesus overrated his disciples. Genau wie Jesus seine Jünger überschätzt. Let's go to John 14. Johannes 14. De la même manière que Jésus-Christ a surestimé ses disciples. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Johannes 14. Okay. Jean 14. Praise the Lord. Allez. From verse 1 to 11. 1 bis 11. De 1 à 11. He said, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Here Jesus was talking to his disciples. Hier hat Jesus zu seinen Jüngern gesprochen. Ici Jésus-Christ a parlé à ses disciples. And he was holding them to a higher position. Und he was saying that he was rating them to a particular position that is so high. Er hat sie eingeschätzt als Leute, die in einer hohen Position sich befinden momentan. Et Jésus-Christ a cru, ou il a vu ses disciples, il a cru qu'ils étaient déjà assez matures, qu'ils ont déjà un certain niveau. Verse 3 said, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Praise the Lord. Hallelujah. And whither I go, you know, the way you know. Jesus did not say this for fun. Jesus hat es nicht aus Spaß gesagt. Vous savez où je vais et vous n'en savez le chemin. Et ça, Jésus-Christ ne l'a pas dit pour rien. He thought they knew where he was going. Er dachte wirklich, dass sie wissen, wohin er geht. Là, il a vraiment cru que ses disciples savaient où il allait partir, où il allait aller. Amen. I hope you get something here. He taught already by this time, after no teaching them, he taught them for more than 3 years. The teaching. And he said, you know, whether I go, you know, and the way you know. That is, he will not say that to a baby. Er würde das nicht zu einem Baby sagen. Er hat es zu Leuten gesagt, von denen er weiß, dass die waren 3 Jahre mit mir unterwegs. Sie müssten eigentlich wissen, wovon ich rede. Quand ses disciples ils ont été 3 ans avec lui à peu près, il leur a beaucoup appris, donc il a cru qu'ils savaient où ils allaient aller, où ils allaient partir, parce que c'est quelque chose qu'il n'allait pas dire à quelqu'un qui vient de rencontrer. Il a cru qu'ils avaient déjà un certain niveau. Then Thomas said unto him, verset 5, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? But Jesus just said, you know. But Thomas said, we don't know. Aber Jesus hat gerade gesagt, ihr kennt den Weg. Aber Thomas sagt, wir kennen ihn eben nicht. Jésus Christ leur a dit qu'ils savent où il va partir, mais Thomas lui a répondu qu'ils ne le savent pas. Can see the rating he was rating there. Ihr seht, wie er sie eingeschätzt hat. They know already. Er hat gedacht, dass sie es schon wissen. Not knowing that they did not know anything. Aber wusste eben nicht, dass sie es eben noch nicht wissen. Donc on peut voir que Jésus-Christ a vraiment cru qu'ils avaient déjà un certain niveau, parce qu'il a dit que vous savez, mais ce n'était pas le cas. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and verset the life. 6. No man cometh unto the Father but by me. Amen. If I have no, if 7. You have known me, you should have known my Father also. And from henceforth, you know him and have seen him. That I'm not different from him. Dass ich nicht anders bin als er. Donc, et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc, ça, là, Jésus-Christ voulait leur dire qu'il n'est pas différent au Père. It means if you see me, you see God. Ça veut dire que si tu me vois, tu vois Dieu. Donc, ça veut dire que si tu me vois, tu vois Dieu. And that's why people see you today, they see Jesus. Si les gens te voient, ils voient Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, quand les gens aujourd'hui te voient, il voit Jésus-Christ. As the Father sent Jesus, so also Jesus sent us. So der, wie der Vater Jesus geschickt hat, so hat auch Jesus uns geschickt, dich und mich. Parce que tout comme le Père a envoyé Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a envoyé aujourd'hui. Praise the Lord. Alleluia. You know, strong meat belongs to the adults. Fleisch, also feste Nahrung gehört zu, ist für Erwachsene gedacht. Feste Nahrung ist für Erwachsene gedacht. Il y a de la nourriture pour enfants, il y a de la nourriture pour adultes. Et la viande, par exemple, est de la nourriture pour les adultes. You will not give mama to just a little baby. Mm. Du wirst nicht ein okay, Stück okay. Rindfleisch einem Baby geben. Donc, parce que tu ne vas pas donner... Qu'est-ce que tu vas donner à un bébé? Je sais pas. Du steak ou un truc comme ça. You give that baby milk. Yeah. Tu gives this baby milk. À cet enfant, tu lui donnes du lait. Praise the Lord. Let us be fast to grow. Lasst uns schnell darin sein zu wachsen. On doit grandir et ça on doit le faire vite. He wants to see us mature. Er möchte uns reif sehen. Parce qu'il veut que qu'on soit mature. The more we mature, the more his revelation comes. Umso mehr wir reifen, umso mehr Offenbarung wird sich zeigen. Parce que plus qu'on grandit, plus qu'on va recevoir des révélations. It's revelation. They are not coming from me, but from him. Denn seine Offenbarung kommt nicht von mir, sondern von ihm. Parce que les révélations ne viennent pas de moi, mais elles viennent de Jésus-Christ. They are not what the message here. They are not coming from me. Without him, I cannot even preach. They are coming from ohne him. It is due based on your maturity. Diese Botschaft kommt nicht von mir. Sie kommt vom Heiligen Geist und sie ist abhängig von unserer Reife. Et les messages que je prêche ici, ces messages ne viennent pas de moi. Ces messages viennent du Saint-Esprit, viennent de Jésus-Christ lui-même. Et ces messages, je reçois ces messages à base de votre maturité. Donc si vous êtes mature, les messages seront aussi plus profonds, il y aura aussi plus de révélations. You can see the difference between the now message and before message. When people were here that were making problems. And we thank the Lord, he flushed them out. Ihr seht das, als wir den Unterschied der Botschaft, als die Menschen hier waren, die sich noch nicht wirklich positioniert haben. Und jetzt, wo die Leute hier sind, die sich positioniert haben, der Herr hat sozusagen rausgespürt und jetzt kommt neue Offenbarung ans Licht. Parce qu'on peut aussi voir la différence entre les messages qu'on reçoit aujourd'hui et les messages qu'on a eu il y a quelques mois, il y a quelques années, quand il y avait certaines personnes qui n'étaient pas encore... qui se sont pas positionnés. On peut voir qu'il y a une différence des messages. He want us to grow. Er möchte, dass wir wachsen. Jésus-Christ veut qu'on puisse grandir. He want us to be mature. Er möchte, dass wir reif sind. Il veut qu'on soit mature. He does not want us to be babies. Er möchte, dass wir Säuglinge bleiben. Il veut pas qu'on reste des bébés. Before him, we are babies. Denn für ihn sind wir Babys. Devant lui, nous sommes des bébés. Before problem, before the world, we are himself. Aber gegenüber der Welt, gegenüber Problemen sind wir Gott. Amen. Mais devant le monde, devant les problèmes de ce monde, nous sommes Dieu, nous sommes lui. Amen. He told Moses, he said, I will make you a God before Pharaoh. Er hat zu Mose gesagt, ich werde dich zum Gott machen vor Pharao. Parce qu'il a dit, il a aussi dit à Moïse, que je vais faire de toi un dieu devant le pharaon. We are more than Moses. Wir sind mehr als Mose. Mais nous aujourd'hui on est plus grand que Moïse. We are greater than Moses. Wir sind größer als Mose. On est plus grand que Moïse. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. In verse 6, Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it is sufficient us. Jesus said unto him. 9. Have I been so long time with you, and yet art thou not know me, Philip? Can you see this question Jesus is asking? So I thought you know me. Ich dachte, ihr kennt mich. What? Where is this question coming Woher from? Kommt diese Frage? I was surprised of the question. Die Frage hat ihn überrascht. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philip. Ça veut dire que Jésus-Christ a été surpris parce qu'il comprend pas il n'a pas compris de où venait cette question parce qu'il était avec eux chaque jour. Amen. So also I'm surprised of the decision people take here. Deswegen bin ich auch überrascht über die Entscheidung, die einige von uns hier treffen. C'est la raison pour laquelle je suis aussi surpris de certaines décisions que certains d'entre nous prennent ici. What we say yes to. Surprising. Was wir zusagen, was wir akzeptieren, wofür wir ja sagen. Donc les décisions qu'on prenne, les à qui on dit oui, à quelle chose on dit oui. C'est surprenant. Because I always see you more than that. Weil ich sehe euch immer größer als das. Parce que pour moi, quand je vous vois, je vois toujours Jésus-Christ. Et pour moi, vous êtes déjà plus grand que certaines décisions que vous prenez. Praise the Lord. Alléluia. I know that it takes time to be trained. Ich weiß, es braucht Zeit, ausgebildet zu werden. Je sais que une formation prend du temps. But here it's intensive, you know that. Aber in dieser Gemeinde ist es eine intensive Ausbildung durch Christus, durch den Heiligen Geist. Ouais, mais vous devez être conscient que ici dans notre église, cette formation est intense et aussi accélérée, on peut dire. The Lord is really pouring his teaching here. Der Herr schüttet wirklich seine Lehre hier aus. Parce que nous l'Éternel nous couvre avec tous ces leçons, avec toutes ces révélations. Praise the Lord. I like you know, I like my children. They came here this week, Aqua and Adjoa. It's a blessing. Amen. Amen. And we even want them to be here with us forever. Praise the Lord. You know, we spoke together and we ate together and we enjoy it so much. Just like here, Jesus was speaking with them, doing things with the disciples. Meine Kinder Akua und Adjoa waren dieses Wochenende hier und wir haben diese Zeit wirklich in Christus genossen. Wir haben gemeinsam gesprochen, gegessen. Und einfach Zeit verbracht und genauso wie auch Jesus das hier gemacht hat mit seinen Jüngern. Nos sœurs, mes filles, Adjoa et Akua, elles étaient là ces deux derniers jours. C'était vraiment une bénédiction. On a mangé, on a partagé ensemble, on a parlé ensemble. C'était vraiment une bénédiction. J'aurais bien aimé qu'ils restent avec nous pour toujours. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, discussion. That's why it's good. First time we just sit down together and discuss together, so that we can even know our hearts. Yeah. Und deswegen ist es gut, dass wir zusammensitzen und uns austauschen, damit wir auch unsere Herzen prüfen, durchleuchten. Et c'est très important de se rassembler de temps en temps et de discuter, de parler ensemble, afin qu'on puisse prendre soin de l'un et l'autre, de connaître le cœur, les pensées, peut-être les petits soucis que nos frères et sœurs ont. And we should not be afraid to pour out our hearts. Und wir sollten uns nicht davor fürchten, unser Herz auszuschütten. Et on ne doit pas avoir peur ou avoir honte de parler de ceux qui nous tracassent, de ceux qu'on a dans nos cœurs. Because the Lord is there to direct us, to correct you. Weil der Herr ist da, to that right place he wants you to be. Der Herr ist da, um sozusagen diese dich wieder auf die richtige Route zu bringen, dich zu belehren, dich zu korrigieren. Genau, deswegen ist es wichtig, dass du ehrlich zu ihm bist. Ouais, parce que l'Éternel est toujours là pour te corriger, pour te fortifier et pour t'aider. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être franc et d'être honnête envers lui. Praise the Lord. In verse 9 again, Jesus said unto him, Have I been so long time with you, and yet have thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. And how said thou then, Show us the Father? You don't need another Father, I'm your Father. Du brauchst keinen anderen Vater, ich bin dein Vater. Sagt Jesus hier. Donc Jésus-Christ lui dit, t'as pas besoin de voir un autre Père, je suis ton Père. Praise the Lord. Hallelujah. People that never see Christ Jesus as God. Leute, die Christus Jesus nicht als Gott sehen. Il y a des gens qui vont jamais voir Jésus-Christ comme Dieu. Praise the Lord. Amen. Then in verse 10 said, Believest thou not that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself. But the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Just as myself today. Amen. Comme moi aujourd'hui. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père de moi, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres, tout comme moi aujourd'hui. I cannot be here without Christ Jesus. Ich kann nicht hier sein ohne Christus Jesus, c'est unmöglich. Parce que je ne peux pas être ici sans Jésus-Christ lui-même. C'est Amen. Impossible. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 11 says, believe me that I am in the Father and the Father in me. Or else, believe me for the very work's sake. Believe me for the message's sake. Glaub mir wegen der Botschaft. Donc, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moi à cause de ses œuvres. Tout comme aujourd'hui, vous pouvez me croire, pas à cause de ma personne, mais à cause de l'évangile que je prêche, à cause de sa parole. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus thought they were mature enough. Jesus hat gedacht, dass sie reif genug sind. Jésus a cru qu'ils étaient assez matures, assez ou pas. He thought they have already known much about him. Er dachte, sie wüssten schon genug über ihn. Il a cru que ses disciples le connaissaient déjà. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. I know you through your words. Aber ich erkenne dich durch deine Worte. Je vous connais à travers vos mots, à travers vos paroles. Amen. And I know you through your decisions. Und ich erkenne dich durch deine Entscheidungen. Et je vous connais aussi à travers vos décisions. I always want to see the truth in your decision. Ich will die Wahrheit in deinen Entscheidungen sehen. Je veux toujours voir la vérité dans ta décision. Amen. You know, sometimes you can't even speak. I don't even listen to you. I see your action. More than I see your words. Sprichst du, aber ich sehe nicht das Sprechen, sondern ich sehe dann eher deine Taten. Parce que de temps en temps, vous pouvez nous parler, mais je ne veux pas voir ce que vous avez dit, mais je veux voir plutôt vos actions. I look for the truth everywhere. Ich suche überall nach der Wahrheit. Parce que je cherche toujours la vérité. Are you getting it? That's Christ. I look for Christ everywhere. Amen. Ça veut dire que je cherche le Christ en tout. Once I'm hearing voice, I want to even hear it if it is Christ. I look for him everywhere. Wenn ich eine Stimme höre, will ich wissen, ob das die Stimme von Christus ist. Ich suche überall nach ihm. Quand j'entends une voix, par exemple, je veux toujours savoir si cette voix vient du Christ ou pas. In all, I know you through the truth. How you choose and you obey the truth. In allem erkenne ich euch durch die Wahrheit, wie ihr die Wahrheit, wie euch für die Wahrheit entscheidet und erkennt. Donc on peut dire que quand, si je vous connais à travers vos décisions, à travers vos paroles, à travers la vérité. I know the level of your maturity through your words, especially through your decision. Ich kenne das die Ebene eures Reife durch die Wahrheit. Ja, doch. Okay. Ja, doch, pas, ja, richtig. Okay. Donc, moi, je connais votre maturité, le niveau de votre maturité à travers vos décisions, à travers vos actions. Are you getting it? You know, so many times our words are good, but our decisions are saying otherwise. Weil manchmal sind unsere Worte sehr gut, aber unsere Entscheidungen sprechen eine andere Sprache. Parce que de temps en temps, vos paroles peuvent être doux, peuvent être, vous pouvez bien parler, mais vos actions après, elles sont pas dans la vérité, vos décisions. Praise the Lord. You know, no one can see motive. Niemand kann das Motiv sehen. Parce que personne peut voir le motif comme tel. No one can see value. Niemand what you value? You might say you value this, but you cannot see it. What you really value is inside. You can pretend to value something. Meanwhile, what you really value is inside. Your true value, whatever you truly value, no one can see it. Niemand kann dein Motiv wirklich sehen oder niemand kann das sehen, was du wertschätzt. Man kann nur hören, was du sagst. Und davon ausgehen, aber man kann es nicht physisch sehen, genauso wie du nicht physisch dein eigenes Gesicht im Spiegel sehen kannst. Das ist halt nur eine Reflexion. Und genauso kannst du auch nicht das Motiv der Leute durch die Brust gucken und dann das Motiv physisch sehen, sondern nur das, was die Person dann halt sagt. Ouais, parce que c'est impossible de voir le motif d'une personne, c'est impossible de voir, de connaître les choses que tu valorises ou pas. Parce que tu peux dire que tu aimes quelque chose, tu peux dire quels sont tes motifs, mais personne n'est capable à vraiment voir quels sont tes motifs parce que seul toi-même et ton père les connaît parce qu'ils sont en toi. Praise the Lord. Amen. We must learn to allow our motive, value and desire to be Christ. Aber wir müssen lernen, dass unsere Motive, dass unser Wert und unsere Wünsche Christus Jesus sind. Ouais, mais on doit apprendre que non, nos motifs, nos désirs et nos vœux doivent être Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment apprendre, c'est très important. Amen. Amen. Our motive is always behind our decision. Weil unser Motiv steckt immer hinter unserer Entscheidung. Parce que nos motifs vont toujours influencer nos décisions. Our value, our desire, they are always behind our decision, our choice, the choice we make. Unser Motiv, unser Wert, unsere Wünsche sind immer hinter der Entscheidung, die wir treffen. Donc encore une fois, nos motifs, nos désirs, nos valeurs sont toujours derrière nos décisions. Amen. Again, I might not be able to see your motive, your value, your desire, but I can see your decision. Ich kann vielleicht deine Motive und deine Wünsche und deinen Wert nicht sehen, see your choice. Aber ich kann deine Entscheidungen sehen. Encore une fois, je ne peux pas voir vos motifs, vos valeurs ou ce que vous désirez, mais je peux toujours voir vos décisions à la fin. I always want to see the truth in your choice. Ich will die Wahrheit in deiner Entscheidung sehen. Et je veux toujours voir la vérité dans ta décision. It's not that I'm not going to that party. Well, you know, that's why I'm not going also. It's not only you that is not going. It's even Satan's children, they don't even want to go there. But the decision, why you are taking the decision, the motive behind it, is more important than even the decision. Und es geht nicht darum, dass du auf eine Veranstaltung nicht hingehst, weil auch Kinder dieser Welt, also die Kinder des Satans, sie gehen auch nicht hin. Aber was ist dein Motiv für deine Abwesenheit? Was ist dein Motiv für deine Anwesenheit? Donc il s'agit pas de quand on part par exemple d'une fête, la raison pour si tu y vas ou tu y vas pas, parce qu'il y a aussi des enfants de ce monde, hein, donc des enfants qui sont pas les enfants de Dieu, qui vont pas partir à certains événements. Mais ce qui est important est le motif, la raison pour laquelle tu n'y vas pas. Und das ist dann sogar wichtiger als die Anwesenheit oder die Abwesenheit an sich. Et ça c'est même plus important que du fait que tu sois là ou que tu ne sois pas là à cet endroit. You know, Jesus helps us to know that motive is stronger than even the action. Jesus hilft uns zu erkennen, dass das Motiv wichtiger ist als die Handlung. Et Jésus-Christ lui-même nous aide à comprendre, nous aide à voir que le motif est plus important que l'action à la fin. He said, if you even think of it in your heart, you have committed it. Motive is always in the heart. In deinem Herzen gedacht hast, hast du schon getan, weil das Motiv in deinem Herzen ist. Parce qu'il a dit que si tu penses à faire quelque chose dans ton cœur, dans tes pensées, tu sais que tu l'as déjà fait. Donc ça nous fait voir que le motif est déjà plus important que l'action. Once I hear your decision, I'll let judge you through the truth. Wenn ich deine Entscheidung höre, I always want to see the truth that is there. Diese Entscheidung mit der Wahrheit. The Christ that is there. Ich will Christus in dieser Entscheidung sehen. Donc quand j'examine vos décisions, je les examine toujours avec la vérité. Donc je cherche toujours à voir la vérité, je cherche toujours à voir le Christ dans ta décision, dans vos décisions plutôt. Praise the Lord. Amen. Our value, what we value always affects our decision. Denn das, was wir wertschätzen, wird unsere Entscheidung immer wieder beeinträchtigen. Parce que encore une fois, ce qu'on valorise va toujours influencer notre décision. If I value a so-called friend invitation more than coming to the church, my value will affect my decision. Wenn ich die Einladung, I will be there and not be here. Wenn ich die Einladung eines Freundes mehr schätze als zur Gemeinde zu kommen, werde ich nach dem gehen, was ich mehr schätze, und das ist die Einladung eines Freundes. Donc par exemple, si vous valorisez une invitation d'un ami ou quoi que ce soit. Vous y allez et vous venez pas à l'église, par exemple. Ça veut dire que ce que tu donnes la valeur a influencé ta décision. Donc l'invitation de ton ami a été plus importante pour toi comparé à venir à l'église, par exemple. The Lord value us a lot. Der Herr schätzt uns wirklich. Amen. L'Éternel nous aime vraiment, nous valorise vraiment. On est vraiment cher dans ses yeux. For you, you know, he said, if one of you is lost, he said he will leave the 99 and look for you. You can see the value. Gesagt, how he values you. Einer von euch verloren geht, würde ich die 99 zurücklassen, diese eine Person suchen. Mm. Parce que lui-même, il a dit que si un de ses brebis s'est perdu, il va laisser ses 99 et va chercher son brebis. I hope you are getting it. Amen. Amen. Amen. Please value your salvation more than anything. Schätze deine Errettung mehr als alles andere. Ouais. Donc, notre salut doit être la chose la plus précieuse dans nos vies. Amen. Amen. I can only know you through the truth. Ich kann dich nur durch die Wahrheit erkennen. Je peux seulement te connaître à travers la vérité. Again, through Christ. Durch Christus. Denn Christus ist die Wahrheit. Ouais. Donc, à travers Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la vérité. And Jesus help us to know that the truth is what makes the difference. Und Jesus hilft uns zu erkennen, dass die Wahrheit den Unterschied macht. Et Jésus-Christ nous aide à comprendre, nous aide à voir que la vérité, que la différence est dans la vérité aussi. And he also helps us to know that the truth is everything. Und hilft uns auch zu erkennen, dass die Wahrheit alles ist. Et nous aide aussi à voir, à comprendre que la vérité est tout. Amen. In John 8, he said, knowing the truth is everything. Johannes 8 sagte, die Wahrheit zu erkennen ist alles. Mm. Parce que dans Jean 8, il nous dit que de connaître la vérité est tout. Who is the truth? Wer ist die Wahrheit? Qui est la vérité? He is the truth. Er ist die Wahrheit. Il est la vérité. He is also the light. Er ist auch das Remember. Licht. Mm-hmm. Il est aussi la lumière. And light reveal everything. Und Licht offenbart alles. Et la lumière through the truth you see everything. Révèle tout. Durch die Wahrheit erkennst du alles, siehst du alles. Donc à travers la vérité, tu vas tout voir, tout va être révélé. That is why it's so important to know what Christ called the truth. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, was Jesus Christus Wahrheit nennt. C'est la raison pour laquelle c'est très important de savoir ce que Jésus-Christ lui-même appelle la vérité. Amen. Amen. The truth is our lamp and our light. Die Wahrheit ist unsere Leuchte. Donc, lamp and light. Unsere Leuchte und unser Licht. Donc la vérité est notre lumière et notre lamp. There's a difference between lamp and light. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Leuchte und und dem Licht. Il y a une différence entre la lumière et la lampe. There is lamp here. Until you on it, there is no light. Mm. Diese Leuchte beispielsweise muss betätigt werden, bevor es Licht gibt. Cette lampe, par exemple, si tu n'allumes pas, il n'y aura pas de lumière. That you have lamp does not mean you have light. Dass du eine Leuchte hast, bedeutet nicht automatisch, dass du ein Licht hast. Donc ça veut dire que juste parce que tu as une lampe, ça ne veut pas dire que tu as directement la lumière. Christ is both lamp and light. Aber Christus ist beides, er ist Leuchte und Licht. Mais Jésus-Christ est les deux, il est la lumière et la lampe. Praise the Lord. Alléluia. And that's why without the truth you are blind. So saying, ohne die Wahrheit bist du blind. C'est pour ça que sans la vérité tu es aveugle. Because the truth is light. Weil die Wahrheit Licht ist. Parce que la vérité est la lumière. It means without the truth you cannot see. Ohne die Wahrheit kannst du nicht sehen. Ça veut dire que sans la vérité tu peux pas voir. It means you are in darkness. Dann bist du in Finsternis. Ça veut dire que tu es dans l'obscurité. We need the truth to see all things. Wir brauchen die Wahrheit, um alles zu erkennen. On a besoin de la vérité pour tout voir. We need the truth to judge all things. Wir brauchen die Wahrheit, um über alles richten zu können. On a besoin de la vérité pour pouvoir tout juger. To prove all things. Und alles zu prüfen. Dafür brauchen wir die Wahrheit. Pour tout examiner. Pour tout cela, on a besoin de la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. And it is only through the truth you can hear the voice of the Holy Spirit. Und nur durch die Wahrheit kannst du die Stimme des Heiligen Geistes hören. Et c'est seulement à travers la vérité que tu peux entendre la voix du Saint-Esprit. You can see that the truth is everything. Et die Wahrheit ist alles. Ouais. Donc ça nous aide à voir que la vérité est vraiment tout. Amen. Once I'm talking about the truth, I'm talking about Christ himself. And not our religion or this world called the truth. Wenn ich über die Wahrheit spreche, dann spreche ich über Christus Jesus selbst, das was er Wahrheit nennt, nicht das was Religion Wahrheit nennt. Et donc quand je parle de la vérité, je parle de Jésus-Christ lui-même, pas de la vérité selon ce monde ou selon la religion. We make choice through the truth. Treffe Entscheidungen durch die Wahrheit. Donc on prend nos décisions à travers la vérité. He is the Spirit of Truth. Denn er ist der Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Parce que il est. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. The Truth and the Holy Spirit, they are one. Die Wahrheit und der Heilige Geist sind eins. La vérité et le Saint-Esprit sont un. Just like Christ and the Holy Spirit. Yeah, genauso wie der Heilige Geist und Christus eins sind. Tout comme le Saint-Esprit et Jésus-Christ sont un. Just like the Father and the Son are one. Genauso wie Vater und Sohn eins sind. Tout comme le Père et le Fils sont un. The truth is not just one. Die Wahrheit ist nicht nur eins. La vérité n'est pas seulement un. It is in all areas of our life. Es ist in allen Bereichen unseres Lebens. La vérité on la trouve dans tous les parts, tous les domaines de nos vies. It is in everything in our lives. Es ist in allen Dingen unseres Lebens. Elle est dans toutes choses de nos vies. Amen. Amen. Since before there have been lies in all areas of our lives. Denn seit dem Sündenfall gibt es Lügen in jedem Bereich unseres Lebens. Parce que depuis la chute de l'homme, il y a des mensonges dans chaque aspect de nos vies. Amen. Amen. Since the fall, there have been lies in all areas of our life and things. Seit dem Sündenfall gibt es Lügen in allen Bereichen unseres Lebens und in den Dingen. Depuis la chute de l'homme, il y a des mensonges dans chaque aspect, dans chaque domaine de nos vies. The fall turned everything upside down. Der Sündenfall hat alles auf den Kopf gestellt. À cause de la chute de l'homme, tout a changé. Are you getting it? What man and religion called love was no longer love. Yeah. Was der Mensch oder was Religion Liebe genannt hat. What God normally called love was no longer love. Oder besser gesagt, das was Gott Liebe nennt, war nicht mehr Liebe. Donc ce que Dieu lui-même a appelé amour n'était plus l'amour. His peace, his joy, his rest was no longer what he wanted it to be. Sein Frieden, seine Freude und seine what Ruhe he wanted them to be, war nicht mehr so, wie er es wollte. Donc la joie, la paix, le repos n'étaient plus selon sa propre idée, selon ce qu'il avait envisagé pour nous. His work, his food was no longer what he's supposed to be. Everything became lies. Alles wurde zu Lügen. Tout est devenu mensonge. Tout a changé. Amen. There is truth in your work. Es gibt Wahrheit in deinem Werk. There is truth in our food. Oh, okay. There is truth in work. There is truth in what man call work is lies. It's fake. What Christ call work is the truth. Das was der Mensch Werk nennt, ist verfälscht. Aber das was Christus das Werk nennt, ist das Wahrhaftige. Donc ce que Jésus-Christ appelle œuvre, c'est ça qui est vraiment un œuvre. Mais ce que le monde appelle les œuvres n'est pas comparable. Everything here, they are all opposite Christ. Alles hier ist das Gegenteil von Christus. Hier ist keine Wahrheit mehr. Donc tout ce qu'on trouve ici sur cette terre est opposé à Jésus-Christ. Amen. If you go to Matthew 11, Jesus said, "I will give you rest." Wenn ihr zu Matthäus 11 geht, means without me, you don't have rest. Seht ihr, dass Jesus sagt, ich gebe euch Ruhe. Das heißt, ohne Jesus haben wir keine Ruhe. On peut voir dans Matthieu 11 que Jésus-Christ nous a dit que je vais vous donner ma paix. Donc ça veut dire que sans Jésus-Christ lui-même, on ne peut jamais avoir la paix. You know, people think they rest today, that is fake rest. Leute denken, dass sie sich ausruhen, aber es ist eine verfälschte Ruhe. Mm. You understand that? Les gens pensent qu'ils sont en train de se reposer, or que ce repos est, est falsifié. You never walk, you know, John 6, 28 and 29, said the work of the Father is to believe the Son. That is the work. It's not you are going to Howen, that is the work. Mm. Or going to Snipers. Snipes. Mm. Snipers. Also, wir reden über Arbeit, nicht über Werke. Are we talking about work in the sense of James? Arbeit. Or Arbeit. Arbeit. Job. Arbeit. Job. Job. Then job. Better say job if you mean okay, Arbeit. Yeah, not because Werk, it's something okay, different. Job. Yeah. Okay. Because we call it work. Or yeah. Okay. Job. For okay. Job. Yeah. It's a besser Amen. Amen. Genau, weil deine Arbeit ist das, was Christus darüber sagt und nicht das, wie die Welt es halt, so wie die Welt es halt definiert, dass du bei H&M oder Snipers oder bei Snipes arbeitest. Donc, quand on parle aussi du travail, il y a une différence entre le travail que Jésus-Christ appelle travail et le travail comme nous, on le voit, par exemple, que je vais travailler à Snipes ou... certaines sœurs vont travailler à H&M. Praise the Lord. Jean 16. I said Snipers. Is it not Snipers? Snipers. Okay, not Snipers. Snipers. Snipers. Praise the Lord. John 6, verse 28 and 29. 6, not 16, yeah? 6, yeah, John 6. Jean 6. 29. Verset... John 6. 6. So, Johannes 6, verse 28 and 29. 28, 29. John 6, verse 28 and 29. Then said they unto him, what shall we do that we might work the works of the Father of God? That we might do the job God wants us to do. Mm-hmm. Are you getting it? The work of the Father. Mm-hmm. Steht, da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Et lui, Jean 6, verset 28, et lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? 29. Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on him whom he has sent. Amen. To believe Christ is everything. An Christus zu glauben ist alles. Et 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc on peut voir que croire en Jésus-Christ qui est lui-même la vérité, c'est tout ce qui compte. You can see that the world today, this world today, will never see this as work. Ihr seht, dass diese Welt das niemals als das Werk sehen würde. Et pour le monde aujourd'hui, ça peut jamais être l'œuvre qui compte. Amen. Amen. They will never see believing Christ as the job that the Lord has given us. Mm. Sie werden niemals akzeptieren, dass ihre Arbeit einfach nur darin besteht, an Christus zu glauben. Mm. Le monde va jamais croire que le travail qu'on doit faire, c'est seulement de croire en Jésus-Christ. Your job is not going to Howen to work or to anywhere to work. Your job that the Father won't have given you to work. Mm-hmm. It is believe Christ. Mm-hmm. The finished work of Christ. Dein Job ist es nicht, Kassierer zu sein oder Arzt zu sein oder Gärtner zu sein, sondern dein Job ist es einfach, an das fertige Werk von Jesus Christus zu glauben. Donc, nos travails n'est pas de se lever chaque jour et partir dans le magasin où tu travailles ou si tu es un jardinier de partir au travail. Le seul travail que Dieu nous a donné, c'est de croire en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, donc de croire en Jésus-Christ lui-même. And that is the truth. Und das ist die Wahrheit. Et ça, c'est la vérité. But the lies is you must go to this place to work. Aber die Lüge sagt, du musst zu dieser Arbeit gehen, weil sonst bist du arbeitslos. Mais le monde va te mentir, va te dire que non, tu dois partir à tel endroit pour gagner de l'argent. You wonder why Jesus never said pay in anything here. The Bible never said pay. Have you ever seen anywhere he said pay? On peut voir aussi dans toute la Bible que pour Jésus-Christ, il ne s'agissait jamais de payer quelqu'un ou de recevoir une récompense pour un travail qu'on a fait. Il s'agissait toujours de croire. If we told Joshua, I said how to make good sauces. If you go to Joshua, Auch in Joshua 1 hat er zu Joshua gesagt, wie er Erfolg und Wohlergehen hat. Dans Jésus, il lui a montré comment avoir du succès. Joshua. How to prosper. Wie wir Erfolg haben. Praise the Lord. Comment réussir? Verse 6. He said, "Be strong and of good courage. Don't give up. Don't give up on Christ. Gib Christus nicht auf. Be strong in the Lord. Sei stark im Herrn. Amen. Ja, donc Jésus-Christ nous dit, prends courage, fortifie-toi, donc de pas abandonner. The more the truth seems it's not working, the more you believe it. Umso mehr es scheint, dass die Wahrheit nicht funktioniert, umso mehr sollen wir daran festhalten. So sind wir stark. Donc si tu as l'impression que la vérité ne fonctionne pas, donc dans ces moments, tu dois encore plus te fortifier dans la foi et plus croire en la vérité, plus croire en Jésus-Christ dans ces moments. He said, "Be strong and of good courage, for unto these people shall thou divide for an inheritance the land which I swear unto your father to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law. Believe Christ completely." Glaube an Christus vollkommen. Zweifle niemals an. On doit croire complètement en Jésus-Christ. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. You know, he's talking about the laws of Moses. Hier geht es um die Gesetze von Mose. Ici, il s'agit des lois de Moïse. We have greater than the laws of Moses. Wir haben etwas Größeres Amen. Als die Gesetze von Mose. Et ce qu'on possède aujourd'hui est beaucoup plus grand que ce que les lois de Moïse. If you can prosper through the laws of Moses, how much more what we have the laws of Christ? Wenn wir Wohlergehen haben durch die Gesetze von Mose, wie viel Wohlergehen haben wir durch die Gesetze von Christus, die sogar die Gesetze von Mose erfüllt haben? Donc si tu peux, si c'est possible d'avoir d'être de réussir dans la loi de sous la loi de Moïse, à quel point aujourd'hui on est capable à réussir à être de en bonne condition si on a Jésus-Christ qui est beaucoup plus grand que la loi? Only be that strong and courageous, never be discouraged. Lass dich nicht entmutigen. Donc on doit être vraiment, vraiment fortifié dans la foi. On ne doit jamais se laisser, on ne doit jamais se décourager. Don't allow anything to discourage you from believing Christ. Amen. Lass nicht zu, dass dich etwas davon entmutigt, Christus zu glauben. Donc aucune chose doit être capable de te décourager, de croire en Jésus-Christ. He said that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses, my servant, commanded thee. Christ is greater than Moses. Christus ist größer als Moses. Jésus-Christ est plus grand que Moïse. He said, "Turn not from it to the right hand or to the left. Don't turn away from Christ." Kehre Christus nicht den Rücken zu. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Amen. Remember Peter when he was walking on the sea, he turned away his eyes away from Christ. You know, something happened. Er begann zu sinken. Petrus, als er seine Augen weggenommen hat von Christus, fing er an zu sinken. Rappelez-vous de Pierre, par exemple, quand il marchait sur l'eau, quand il a détourné son regard de Jésus-Christ, il a commencé à couler. He said that thou mayest prosper without thou goest how to prosper. Wie wir gelingen haben im Königreich des Himmels. Donc c'est comme ça qu'on réussit dans le royaume des cieux. Amen. Amen. He said, this book of the law shall not depart out of your mouth. Oui. But thou shalt meditate therein, day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make your way prosperous. And then thou shalt have good success. Amen. Ah, my God. Praise the Lord. Yeah. You see, so simple and so difficult. So einfach, dass es wieder schwer ist. Ja, c'est tellement simple que ça devient même difficile. How to live in prosperity in the kingdom of heaven. Wie wir in Reichtum leben in Christus Jesus. Hier auf Erden schon, nicht erst wenn wir zum Herrn gehen. Comment vivre en prospérité ici sur terre? C'est facile, mais en même temps c'est difficile. Praise the Lord. Alléluia. Again, John 6:28-29 said, the work of the Father, the job the Father have given us to do, that is the appointed for us, is to believe Christ. You go and believe him. Ist an den zu glauben, den der Herr gesandt hat. Ja, und wir sollen ihm einfach glauben. Ja, encore une fois, dans Jean 6, l'Éternel nous a dit que, Jésus-Christ nous a dit que l'œuvre qu'on doit faire est de croire en Jésus-Christ et de croire son accomplissement. Don't believe like religious people. Glaube nicht so wie religiöse Menschen. On ne doit pas croire comme les gens religieux. Religious people believe they are going to have it. Religiöse Menschen glauben, dass sie es haben werden. Parce que les gens religieux vont croire qu'ils vont l'obtenir, qu'ils vont l'avoir. You believe you already have it. Ah, du glaubst, dass du es schon hast. These are different. Tu crois que tu l'as déjà. Praise the Lord. C'est une différence, une petite différence qui est très très importante. C'est un wichtiger Unterschied. Amen. Amen. In John 6:35, Jesus says he is our bread. In Johannes 6, our meat. 35. He is our bread. Sagt, bread means food. You know, you can see since the fall. Food. What God means as food became something else. The flesh. In Johannes 6:35 sagt Jesus, John 6:35. Jésus-Christ nous beschwert. Okay, und seit dem Sündenfall hat sich das aber alles geändert, weil die Nahrung nicht die Nahrung ist, von der der Herr spricht. Dans Jean 6:35, Jésus dit qu'il est le pain de la vie. Il est le pain de vie. Et on peut voir que depuis la chute de l'homme, notre nourriture a changé. Parce qu'au début, c'était pas une. C'était quand Jésus-Christ ou Dieu parlait de nourriture, il parlait pas de la nourriture physique, mais parlait de sa personne, de lui-même. You see it here. He said, Jesus said unto them, I am the bread of life. Amen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Jésus-Christ dit que je suis le pain de vie. Amen. If you read it from verse 32, let's read it from verse 32. On va lire à partir de verset 32. 31, please. Sorry. 31 plutôt. Our fathers did eat manna in the desert, as it is written, I gave them bread from heaven to eat. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. There is the true bread, there is the fake bread. Es gibt das wahrhaftige Brot und es gibt das verfälschte Brot. Donc, on peut voir, on a lu versets 31 et 32, et on peut voir qu'il y a le vrai pain et un pain falsifié. You know, Adam and Eve, I'm very sure they were created not to even to eat. Adam und Eva, ich kann mir sogar vorstellen, dass sie sogar erschaffen worden sind, um nicht zu essen. J'imagine que Adam et Eve n'avaient même pas besoin de nourriture comme tel. Are you getting it? Mm. Or buy things. Or change his shoes. You know, for 40 years, he said when they were in the wilderness, their shoe did not grow old. You can see that it's, you know, they were created, you know, everything we are created in a special way. I don't know. Can you get it? Also alles wurde so erschaffen auf eine besondere Weise, dass der Mensch nicht abhängig war von Essen. Sondern dass der Mensch nicht abhängig war davon, seine Schuhe oder seine Kleidung zu wechseln, weil sie sonst abgetragen ist. Encore une fois, je pense même pas qu'ils avaient besoin de nourriture. Parce que si on voit même l'exemple quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, où ils avaient, leurs chaussures, il n'y avait même pas de... Et bébé était. Amen. And I'm very sure then their food was Christ Jesus. Bin mir auch sehr sicher, dass ihre wahrhaftige Nahrung Christus Jesus war, vor dem Sündenfall. Et je pense que leur nourriture avant la chute de l'homme était Jésus-Christ lui-même. I hope you understand. J'espère que vous comprenez. The fall of man. Der Sündenfall hat alles auf den Kopf gestellt. La chute de l'homme a tout bouleversé, a tout changé. Everything changed. Alles hat sich verändert. Tout a changé. All truth became lies. Alle Wahrheit wurde zur Lüge. La vérité est devenue mensonge. Amen. Amen. Food was no longer the true food. Die Nahrung war nicht mehr die wahrhaftige Nahrung, sondern eine verfälschte Nahrung. Donc la nourriture n'était plus la même. And that's why no matter you eat the fake food, you will still be hungry. Your stomach is like this. Falschen Essen ist, du wirst immer noch irgendwann wieder hungrig sein, egal wie viel davon heute ist. C'est la raison pour laquelle, peu importe le montant de choses, de nourriture que tu manges, tôt ou tard, t'auras faim. Donc ça veut dire que ce n'est pas la vraie nourriture. No matter you drink the fake water, the fake juice, the fake, you know, you will still taste again and again and again. Du trinkst das verfälschte Wasser und du bist eigentlich pappsatt und kannst nicht mehr, aber irgendwann wirst du wieder durstig sein. C'est la même chose aussi avec les boissons. Tu peux boire des litres d'eau, des litres de jus ou quoi que ce soit, mais tôt ou tard, tu auras encore soif. John 4. You have already known. Verse 13, please. Jesus answered and said unto her. Jean 4, verset 13. Whosoever drinketh of the water shall taste again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never taste. But the water that I shall give him shall be a well, in him a well of water, springing up into everlasting life. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We have, you know, a well inside us that, you know, the water, it's never empty. Wir haben einen Brunnen in uns, der niemals austrocknet. Donc, quiconque qui boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, on a une source d'eau qui va jamais sécher en nous. Look at what Jesus called his meat. Regardez toujours dans Jean 4, verset 34, ce que Jésus-Christ appelle sa viande. He said, "My meat is to do the will of him that sent me." Sa nourriture, and to finish his work. Mm-hmm. You see that what he called llama, pomo, or fish. Er sagt hier, meine Speise ist den Willen des Herrn zu tun. Das sind seine Pommes, das sind seine Burger, das ist seine Pizza. Donc Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc on peut voir que la nourriture de Jésus-Christ, pardon, n'était pas de une nourriture comme on la connaît, que ce soit du pondou, du riz ou quoi que ce soit, mais non, c'était de faire la volonté de son Père, de la volonté de Dieu. Amen. In John 6:53, he said to eat him and to drink him. Ihn zu essen und ihn zu trinken. Ouais. Donc, toujours dans Jean, on peut voir qu'il a dit qu'on doit le boire et le manger. The same he said in John 17, verse 3. To eat him, to drink him, To know him, they are the same. Ihn zu essen, ihn zu trinken, ihn zu erkennen, ist das Gleiche. Donc connaître Jésus-Christ, voir Jésus-Christ et manger Jésus-Christ est la même chose. On peut aussi le voir dans Jean 17, verset 3. John 17:3 said, to know him is our salvation. In Johannes 17:3 steht, dass ihn zu erkennen, das ist unsere Rettung. Jean 17, 3 nous dit que connaître Jésus-Christ est notre salut. It is not just praying the prayer of salvation. Es ist nicht einfach nur das Gebet der Errettung aufzusagen. Non, donc il ne s'agit pas seulement de prier la prière du salut. You must know him. Du musst ihn erkennen. Tu dois connaître Jésus-Christ. Are you getting it? Mm. It's not just coming here, then we pray for you, we pray with us, then that's all. It never worked that way. Mm. Amen. Amen. Es ist nicht einfach nur hinkommen, das Gebet aufsagen und dann wieder nach Hause gehen. So funktioniert das nicht. Mm, donc il s'agit pas seulement de prier cette prière avec nous, après tu pars et tu continues ta vie sans Jésus-Christ. Why? Because there is opposition everywhere. Weil es eben einen Feind gibt. Parce que il y a un adversaire et il est partout. Cette opposition est partout. Please understand what the Bible called no. Bitte versteht, was die Bibel zu erkennen nennt. Was es heißt zu erkennen. Really mind you again. Donc on doit, et c'est très important de savoir et connaître de savoir la meaning. Position? Non, meaning. La signification. La signification de connaissance quand la Bible parle de connaissance. Praise the Lord. In Genesis 4. In 1 Mose 4. Dans Genèse 4. What the Bible calls to know. In 1 Mose 4. Verse 1. Genèse 4. Amen. On peut voir que la Bible ici parle aussi de connaissance. You can see it. He said Adam and Eve knew. Adam knew Eve to know. Mm. That's what the Bible means by when the Bible is talking about to know. Mm. To know is more than just I know you. Yeah. I have to really know you. Mm. He said Adam and Eve, Adam knew Eve, his wife, and she conceived. You must know him and bear fruit. Mm. You must know Christ and bear fruit. Das Erkennen im Königreich Gottes ist nicht nur ein bloßes Erkennen, wie man es in dieser Welt versteht, sondern es ist etwas, wo etwas gesät wird und etwas daraus wächst aus diesem Erkennen. Genauso wie man hier sieht, dass Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger, genauso erkennen wir was und daraus wächst etwas. Mm. Donc, quand la Bible parle de connaissance, on peut voir que Adam connut sa femme, connut Eve, sa femme, et elle conçut. Donc ça veut dire que quand nous, on connaît quelque chose, quand nous, par exemple, on connaît Jésus-Christ, on doit être, quelque chose doit résoudre de cette connaissance. Donc on doit être enceinte du Christ, ou alors le Christ va planter un grain en nous, et ce grain doit forcément pousser. Donc c'est ça, la connaissance, quand on parle de connaissance dans la Bible. Praise the Lord. Hallelujah. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain. Amen. Amen. Adam connut Eve, sa femme, et elle conçut et enfanta Cain. Praise the Lord. Hallelujah. To know Christ and to bear fruit. Christus zu erkennen und Frucht zu bringen. Donc on doit connaître Jésus-Christ, on doit reconnaître Jésus-Christ et à travers cette connaissance porter des fruits. John 15. Johannes go 15. There into the place. Jean 15. John 15. Johannes 15. Jesus talks about bearing fruit. Jesus spricht darüber, Frucht zu bringen. Jean 15. John 15. Johannes 15. Vers 8. Johannes 15, Vers 8. Jean 15, verset 8. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit. So shall you be my disciple. In verse 5, say, I am the vine, you are the branches. he that abideth in me, and I in him. He's talking about to know, knowing him. Es geht darum, ihn zu erkennen. Donc, verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On a aussi lu Jean 15, verset 5, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc là, il parle de la connaissance. La connaissance de Jésus-Christ. He said, the same bringeth forth much fruit. Praise the Lord. Alleluia. And without me, you cannot have my fruit. Und ohne Jesus könnt ihr nicht die Frucht von Jesus haben. Donc ça nous fait voir aussi que sans Jésus-Christ lui-même, on peut jamais avoir les fruits de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alleluia. The truth is our revelation. Die Wahrheit ist unsere Offenbarung. La vérité est notre révélation. Amen. Amen. Knowing Christ is our revelation. Und Christus zu erkennen ist unsere Offenbarung. Et connaître Jésus-Christ est notre révélation. Knowing the truth is our revelation. Die Wahrheit zu erkennen ist unsere Offenbarung. Connaître la vérité est notre révélation. Revelation is not about dream. You sleep and you dream. Offenbarung ist nicht ein Traum. Quand on parle de révélation, il ne s'agit pas d'un songe. Are you getting something? Mm. It's not you sleep because you just sleep and wake up. You've got. No, it's not revelation. Revelation is all about Christ Jesus. Offenbarung geht es nur um Christus Jesus. Donc les révélations, dans la révélation, il s'agit seulement de Jésus Christ. Il ne s'agit pas de certaines choses que tu as vues dans ton rêve ou quoi que ce soit. Praise the Lord. Alleluia. Amen. He said, no one know the Father except the Son. No one know the Son except the Father. And whom the Son reveals him. Revelation, you know, the Spirit, the Holy Spirit is the Spirit of Revelation. Der Heilige Geist, der Geist der Offenbarung. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la Révélation. And is the Spirit of Christ. Und ist der Geist von Christus. Il est l'Esprit de Jésus-Christ. He reveals Christ to us. Offenbart uns Christus. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle. John 16, Jesus helps us to know his job. Johannes 16 hilft uns, Jesus seine Aufgabe zu erkennen. Die Aufgabe des Heiligen Geistes. Dans Jean 16, Jésus nous aide à comprendre le travail du Saint-Esprit. He said he will guide us into all truth. Truth is Christ. In alle Wahrheit. Everything of Christ. Amen. Er wird uns in alle Wahrheit einleiten, in Christus einleiten, in alles, was von Christus ist. Et Jésus-Christ nous a dit que le Saint-Esprit va nous révéler toute vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, il va nous révéler tout sur Jésus-Christ. Since the fall, seit dem Sündenfall, it takes revelation to know the truth, braucht es Offenbarung, um die Wahrheit zu erkennen und daran zu glauben. Et depuis la chute de l'homme,